Leçon 2. Document 1, page 32. Et maintenant, quelques règles de politesse. Règle numéro 1. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose. Vous pouvez offrir des fleurs, par exemple, ou une bouteille de bon vin. Règle numéro 2. Si vous arrivez en retard, vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, je suis désolé. » Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire « Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, enchanté. » Règle numéro 4. Si vous êtes un homme, vous devez vous lever quand on vous présente une femme. Règle numéro 5. À table, si vous voulez fumer, vous devez attendre la fin du repas. Après, vous demandez aux autres invités si vous pouvez fumer. Règle numéro 6. Pendant le dîner, vous ne devez pas commencer à manger avant la maîtresse de maison. Règle numéro 7. Après le dîner, vous ne pouvez pas dormir sur le canapé. Règle numéro 8. Enfin, quand vous voulez partir, vous devez remercier la maîtresse de maison.